Est-ce qu'on parle un peu de nos étés, Thibaut? Ton été s'est passé comment? Eh ben, cet été, bien, bien. Mais cet été, j'étais pas bien. Ah. Figurez-vous que j'ai reçu des lettres anonymes. Et ça fait flipper. Déjà parce que les mecs connaissent mon adresse personnelle. Et que souvent, et ça, je sais pas si vous avez remarqué, mais les lettres anonymes sont rarement signées. Alors tu vas me dire, tu dois pas avoir beaucoup d'ennemis. Mais détrompez-vous, hein, j'ai escroqué une vieille dame pendant 29 ans. Oui, c'est ma mère. On le savait tous. Alors je vais vous lire des passages, hein, et je vous le dis, l'enquête est en cours. Voilà ce que disait la première lettre. Cher animateur des pantoufles explosives. Oui. Ah, il avait cette voix. Oui, c'est cette voix, c'est une lettre anonyme. Un peu collabo. Vous êtes un génie. C'est moi qui le dis. Marre des chroniques cinéma sur les films de Jean-Marie Poiré. Pourrait-on en avoir plus sur Steven Spielberg? Le réalisateur, pas le scénariste. Aussi, pouvez-vous présenter chaque semaine la grande gagnante de la Pantoufle d'Or 2016? Je joins à cette lettre une balle de 9 mm. Merci. Mais qui ça peut être? La seconde lettre disait: cher animateur de Pantoufle Explosive, j'adore ce que vous faites. Ah. Toi qui le dis. Cependant, il n'y a pas assez de chroniques sur les films de Jean-Marie Poiré. Il faut que ça change. Ou alors parler des films de Christian Clavier, d'autant plus qu'un excellent livre est sorti sur cet acteur. Il faut se le procurer au plus vite. Ok, merci. J'ai reçu une troisième lettre. Hein. Cher animateur de pantoufles explosives, point. J'aime beaucoup ce que vous faites. C'est moi qui le dis. Oh là là. Point. Toute l'équipe est sympa, point. Et j'adore réécouter les podcasts, point. Mais il me semble que parfois les points sont mal comptés, point. Il ne faut point faire ça, point. Une chroniqueuse pourrait être désavantagée, point. Merci à vous, point, putain. Putain. Je me demande qui est. Et enfin la dernière disait: cher animateur de pantoufles explosives, je vous écris cette lettre des arènes d'anonymes. Les invités sont géniaux, mais je ne voudrais pas être un portin, ou même deux portins. Oh là là. Mais quand verrons-nous arriver Sophie Marceau? Ah, on se demande. Faut-il que quelqu'un la mime, Marceau? Oh. Merci à vous. Alors vous trois, votre été s'est bien passé? Ah, écoute. Merci. Oui, on est quatre, mais je vois. Oui, vos quatre, pardon.